بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضل profitable dans le توحيد la jurisprudence et la aqida par notre humble cheikh يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mu'tanniki حفظه الله تعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طيب اليوم بإذن الله سنأخذ المسألة 13 والرابع عشر وخمس عشر ضربون إن شاء الله لتخزيم 14e et 15e question du livre. Toujours dans le Mabadi Mufida du Cheikhina, Yahya ibn Ali al-Hajuri, Hafizahullah ta'ala. Faqal, fa'idha qila, ma ta'rifu al-ibada. Faqul, ya ismun jami'un, li kulli ma yuhibbuhu Allah. ويرضى والدليل قول الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. نعم. Donc la traduction serait, s'il est dit, quelle est la définition de l'adoration? Alors dit, l'adoration, c'est-à-dire l'ibada, c'est un nom d'ensemble de tout ce que Allah aime et agréé. Et la prouve cela, et la parole d'Allah se prend dans le sens où il dit, si vous me croyez, alors certes Allah se passe de vous. Et il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance, ou on dira également la gratitude. Et si vous remerciez, il agrée cela pour vous. Naam. Donc là le shir a ramené comme définition celle de shir al-Islam Taymiyyah dans son livre Al-Ubudiyya, qui est la définition la plus complète de l'ibada, de l'adoration. À la base, c'est ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal al-zahira wal batina. Qui forge à la fin de tout ce que Allah aime comme parole ou acte, qui soit apparent ou caché. Ensuite, il faut savoir que ces adorations sont de trois catégories. Il y en a une se divise en trois. Min haith, haith al-istirmal. Par rapport à leur façon d'être appliquée. Il y a al-ibada bel al-a'mal ou al-ibada allati takun bil-qalb. Celles qui sont dans les cœurs. Mithl al-tawakkul wa raja wa al-khashiyah wa rahba wa al-khawf wa ghayr dhalika, comme par exemple l'espoir, le tawakkul, le fait de mettre sa confiance en Allah, ou la peur, ainsi de suite. Ces adorations là elles ont lieu dans le cœur. Ou également al-ibada bil-jawarih, al-amal bil-jawarih, celles qui ont lieu par les actes. مثل الصلاة طيب الصلاة أو الصيام أو الجهاد أو غير ذلك. Et celles qui ont lieu par les biens. مثل الزكاة. Par exemple la zakat ou la sadaqa. Le fait de faire sadaqa. Ou la nafaqa ala al-ahl. Le fait de dépenser pour sa famille, ce genre de choses. Et certaines yani sont peuvent être présentes dans plusieurs catégories. Par exemple, le hajj, c'est une ibada qui est biljawarih avec les membres, également maliya avec les biens, avec l'argent, car il faut investir pour partir faire le hajj. Également le dhabh, le fait d'égorger, cela inclut le fait d'acheter la bête à sacrifier puis de l'égorger par la suite, selon le rite islamique, c'est-à-dire de lui trancher la gorge et de nommer Allah dessus, de dire Bismillah. Non. Mais les trois principales catégories sont celles-ci. Également, l'ibada, comme a collé le Cheikh Al-Othaymin, fi al-Tadmuriya, l'ibada, on peut également l'appeler al-Ta'abud. Et ce ta'abud peut avoir deux sens. Awalan, le premier sens, c'est le ressenti du Abd, du serviteur, lorsqu'il dit je suis en adoration. Sa niya, on va dire, qu'il est en niya d'adoration. On appelle ça ta'abud. D'accord ? On appelle ça ta'abud. Quand il dit, lorsqu'il fait un acte d'adoration, il est en état de ta'abud, en état d'adoration. La chose pour laquelle qu'il applique la ibada en soi, comme par exemple, salah. Salah ibada. والصيام صيام عبادة والحج الحج عبادة d'accord donc عبادة ça peut être التعبد والمتعبد به المتعبد به l'état dans lequel tu es et l'action que tu accomplis. ثم قال أن العبادة مبنية على شيئين que ceci est bâti sur deux choses الحب والتعظيم le fait d'aimer. Car, obligatoirement, celui que tu adores, il faut que tu l'aimes. Hein? Pour qu'une adoration soit complète, il faut adorer. Pour adorer Allah, il faut l'aimer. Donc, il faut ressentir de l'amour. Wa shaythani at-ta'zim. C'est le fait de vénérer à tel point que cela inclurait une peur qui empêcherait de désobéir. Une vénération immense. Hein? À un niveau immense. Car une personne que tu azzames, tu crains de lui désobéir. Donc tu as besoin des deux points. D'aimer, al-hub, ou al-ta'azib, de vénérer. L'une va te pousser à faire la chose avec plaisir, et l'autre va t'empêcher à désobéir. Hein? L'autre va t'empêcher à désobéir. Et également, il a été stipulé que les arkan ibada sont les trois. يعني من حيث كوجيل اركان يعني المحبه كما نقول الامور ورضا لاغريمون والاخير والخوف c'est la peur et cela revient aux deux cités par Charles Saïmin car la mahabba te fait aimer la chose. Un rideau te fait agréer cette chose, que tu l'acceptes. Et le khawf t'empêche de désobéir. Et cela t'empêche de désobéir. De là, on voit quoi? En se basant sur cette définition, que beaucoup de gens n'ont pas comprise. Et ont limité l'adoration aux actes apparents et connus comme la salat, par exemple, ou le hajj, ou ghayr dhalika. Et qu'en dehors de cela, les gens ne voient pas ce que tu fais comme étant un ibada. Par exemple, quand tu fais ta rabbilim, ta ibada. Quand tu honores ton invité ou ton voisin, tu es en ibada. Quand tu marches vers la salat pour aller au masjid, tu es en ibada. Et quand tu reviens, tu es en ibada. Quand tu parles bien à quelqu'un avec une irtiseb et une bonne niya, tu es en ibada. Quand tu mets ton kamis ou que la femme met son jilbab pour sortir et qu'il met une niya, il est en ibada. Et tout cela, il en est récompensé. Al-Ihtiseb, comme on dit. Attention à l'Ihtiseb. Le fait de une bonne niya, t'en tire la récompense. Même en mangeant, en disant Bismillah, si tu manges une bonne nourriture, en vue de pouvoir accomplir les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en ibadah. Le mot ibadah est très très large en islam. Et pas comme chez les koufars, surtout les chrétiens, qui eux ne sont ibadah que dans leur église. Lorsqu'ils vont à la messe, en dehors de ça, ils sortent, ils sont comme tout le monde. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le musulman, il n'est pas comme ça. Le musulman, il est à la base. Soit en constante ibadah, ou alors, la plupart de son temps, il est en ibadah. Kadhalika, al-ibadah, la shartan, min haythu al-qabul. Que l'ibadah a deux conditions pour qu'elle soit acceptée. Al-niyah, wa al-mutaba'ah. C'est-à-dire une bonne intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être mukhlis, d'être sincère, et que par cette attention, on ne vise que Allah subhanahu wa ta'ala, et pas autre que lui. Al-ikhlas. Ça, c'est une condition. Ce que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième condition, ma'loufa al-mutaba'a, le suivi prophétique. D'agir en conformité avec ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe, nous a enseigné. Sans quoi on tombe dans les bid'a. Hein? Wa kul bid'atin dalala. Et que toute innovation est également. La preuve de la niya, c'est innamal amal bin niya, le hadith. Que les actes ne valent que par l'intention. Et le deuxième, que celui qui commet un acte n'étant pas sur notre enseignement, sur notre affaire, alors celui-ci est rejeté. Et il y a plein d'autres hadiths et plein d'autres preuves qui amènent à cela. Que les deux piliers de la ibada sont, ou plutôt les deux conditions de la ibada sont al-ikhlas, sa sincérité, al-niyah, la bonne intention, ou al-mutaba'a, le suivi prophétique. Donc attention à ne pas se restreindre dans la ibada et croire que celles-ci ne sont que celles qui sont en apparent citées. Tu peux avoir des ibada également par ta niyah, dans des actes quotidiens en mettant une bonne niyah. Et vous savez également que la ibada, il y a tawqifiyya, elle est que par décret divin. C'est-à-dire que l'origine, dans une ibada, c'est qu'elle n'est acceptée que si elle a un texte qui l'appuie. Il faut que tu aies une preuve pour pouvoir accomplir une ibada muayyana. Par exemple, demain, tu ne vas pas dire, je fais le isha, salat al-isha, je vais faire 5 rakas pour prouver à Allah subhanahu wa ta'ala que je l'aime encore plus que les autres. Cela n'est pas permis. Ta salat sera ba'atila. Elle sera refusée. Al-Isha, c'est 4 raka'at. Donc tu fais 4 raka'at. Cela est la preuve que tu aimes Allah, dont tu te tiens, ce que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, t'a enseigné. T'as peur de tomber dans le roulou et dans la bid'a. La ibada, elle est tawqifiyya, c'est-à-dire elle s'arrête à un décret divin. Tu ne peux arriver qu'une ibada de ta tête, arriver qu'une nouvelle salat, de nouveaux horaires de salat, ou de nouveaux horaires pour faire le siyam, ou ainsi de suite, des nouveaux rites pour le hajj. Tu ne peux pas. Et aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Celle-ci est complète, il n'y a rien à rajouter en ibada. Il s'agissait là de la première question du cours, et la 13e du livre. Ensuite, il poursuit en disant فَإِذَا قِيلَ لَكْ أَيْنَ اللَّهِ فَقُلْ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ مُسْتَوِينَ عَلَى عَرْشِهِ وَالدَّلِيلِ قُلُوا اللَّهُ تَعَالَى أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ وقلوا تعالى الرحمن الراشي استوى وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له متفق عليه والنزول يكون من الأعلى. Donc il dit, quatorzièmement, s'il t'est dit, où est Allah? La question c'est, où est Allah? Tu dis, Allah est dans les cieux. Là c'est à proprement parler de la traduction, mais en vrai c'est au-dessus des cieux, comme cela va venir. Élevé, instauré sur son trône. Et la preuve en cela est la parole d'Allah dans le sens où il dit, êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus des cieux du ciel vous fasse disparaître sous terre, et voici qu'elle tremble. Et dans le sens de sa parole, où il dit, le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Et le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, a dit, notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, descend chaque nuit jusqu'au ciel le plus bas, lors du dernier tiers de la nuit. Et il dit, qui m'invoque, que je lui réponde. Qui me demande, que je lui donne. Et qui me demande pardon, que je lui pardonne. Donc là, c'est la question d'où est Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la base, cette question a un osl fi din. Kama ra'u l'imam muslim al-hadith al-jariya. Le fameux hadith de la servante, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, qui suis-je? Elle dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, où est Allah? Elle dit, Fissama. Aux cieux, c'est-à-dire également au-dessus des cieux, comme cela va venir. Donc il dit à Muawiya, relâche-la car elle est une croyante. Naam. Donc cette question est d'origine, contrairement à ce que les gens pourraient dire. Et les preuves sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, est élevé, sont très nombreuses. Elles sont très nombreuses. Parmi par exemple les preuves tiennent du Coran. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Et ils craignent, ou ils ont peur, c'est-à-dire les anges de leur Seigneur, au-dessus d'eux, et ils font ce qu'ils lui ordonnent, ce qu'ils leur ordonnent. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ilay yas'adul kalimu tayyib wa yamalu salih yarfa'u. Et vers lui remonte, regardez bien, remonte la bonne parole ainsi que l'œuvre pieuse qui l'élève. Wa yaqulu subhanahu إذا قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ. Lorsque Allah dit, oh Isa, je vais te prendre et t'élever vers moi. T'élever vers moi. من الأدلة قوله تعالى وهو القاهر فوق عبادي. Et il est le dominateur au-dessus de ses serviteurs. وقوله تعالى بل رفع الله إليه. C'est pendant Allah l'avait vers lui, en parlant de Isa, lorsqu'ils ont cru qu'il l'avait tué. رفع الله إليه. وقال تعالى سَبِّسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. Hein? Exalte le nom de ton Seigneur, le très haut. Ou le plus haut, plutôt. Le plus haut. وَقَلُوا تَعَلَى تَعْلُجُ الْمَلَيْكَةُ وَرُوحُ إِلَيْهِ. Et que les anges et le souffle remontent vers lui. On a l'uruj, mais on a l'su'ud, pour dire le fait de monter. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبَدِ الْكِتَابِ. Hein? Louange à Allah, celui qui a fait descendre sur son serviteur le livre. Qui l'a fait descendre, c'est-à-dire qui vient d'en haut. Et les preuves sont très nombreuses. مثل حديث أبي هريرة كذلك يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرجوا الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. Dans le hadith d'Abi Huraira, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce relais, les anges, les malaïkas de la nuit et les malaïkas de la journée. Et qu'ils se réunissent lors de la salat du Fajr et celle du Asar. Ensuite, ils remontent. Ensuite, remontent ceux qui ont passé la nuit avec vous. Et ils sont interrogés par leur Seigneur alors qu'il est plus savant qu'eux. Et il dit, comment avez-vous délaissé ou laissé mes serviteurs? Ils disent, nous les avons laissés alors qu'ils faisaient la salat. Et nous les avons rejoints alors qu'ils faisaient la salat. Quand le shahid, ensuite, remonte ceux qui ont passé la nuit avec vous. Il donne le hadith à Zaynab, Rawi al-Bukhari. Zaynab, Umm al-Mu'minin, Zawjat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bint Jahsh. Tafakharat ala Zawaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Taqul, Zawajani, ou Zawajakunna ahalikum, wa Zawajani Allah ta'ala min fouqi sab'a samawat. Elle a dit quoi? Elle se vantait par rapport aux autres femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant que vous avez été mariés par vos familles, par vos awliya, alors que moi c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a marié au-dessus des sept cieux. Et ce hadith également est une preuve. Ce hadith rapporté par le Bukhari, il est au Sahih. Il y a plein de preuves sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala fil ulu, une sifati ulu, qu'il est élevé. Donc là maintenant tabih par rapport au mot fi. Fi en arabe qui veut dire dans, à la base. C'est un bimana zarfiya. Hein? Lorsqu'on dit Allahu fis sama, est-ce que cela inclut que Allah subhanahu wa ta'ala est à l'intérieur des cieux alors que les cieux sont sa création? Cela n'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans sa création. Et dire cela amènerait à tomber dans le kufr. Mais en langue arabe, le mot fi veut dire également ala. Le mot fi également veut dire ala, qui veut dire sur. Des preuves sont venues maintenant dans le Coran. Mathalan, Fikolila Ta'ala, lorsque Fil'aun parle au Sahara, au sorcier, il dit quoi? L'usallibannakum fi juzur al-nakhl. Je vais vous crucifier, là écrit fi, hein, sur le tronc d'un palmier. Mamana fi huna, que veut dire fi? Est-ce qu'il va les prendre et les crucifier à l'intérieur du tronc? Non, c'est-à-dire sur le tronc. Et là, dans le Coran, le mot qui est venu, c'est fi. Fi, juzur al-nakhl. Ça, c'est une des preuves. Deux preuves sont venues également يقول سبحانه وتعالى ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها qu'il n'y ait pas de bête, il est écrit fil ard, bimana ala. Il n'y a pas de bête sur terre sans que leur risque n'accomple à Allah. Hein, sans que leur risque n'accomple à Allah. Donc là maintenant, dans le verset, il a dit ma min dabatin fi el ard. Est-ce qu'on va dire dans la terre, à l'intérieur de la terre? Non, le sens voulu c'est sur la terre. Le sens voulu c'est sur la terre. Car il est certain que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans sa création. Donc lorsqu'on dit Allah ou fi sama, les sama anana ou dakhil les sama. Anana ou dakhil khalqi. Comme voudraient le dire des gens, faisant croire qu'on fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala, à sa création, à sa créature. Même le sujet, j'ai alhamdoulilah, est élaboré dans le rôle sur les Ahbesh, dans la deuxième partie, pour ceux qui vont entendre d'autres preuves sur cela. Également, Es-Sama, les savants ont dit que le Sama, lorsqu'on dit Sama, cela peut avoir deux sens. Premier sens, comme nous avons dit, Fi bimana ala, le fait de dire Fi pour dire sur. Et deuxième sens, d'autres ont dit que Es-Sama mana el-ulu, c'est-à-dire une partie élevée. Hein, élevée. C'est-à-dire la hauteur. Sans pour autant vouloir définir le Sama, le ciel tel qu'on le connaît, celui qui est au-dessus de nos têtes, là, le bleu. Ainsi de suite. Le sens voulu par Es-Sama est dans l'élévation. On en arrive à quoi également, à Rod, à ceux qui disent que Allah fait kulli makan. Allah fait kulli makan, que Allah est partout. Donc, cela sera plus élaboré dans le prochain point, qui est-ce que Allah est avec nous. Et il est certain que l'esprit humain ressent que la domination ne peut venir qu'au-dessus de lui. Que même la fitra, la bonne nature de l'être humain, ressent qu'il est dominé. Cette domination ne vient que d'au-dessus. Et lorsqu'on lève les mains pour le dua, nos mains se dirigent vers où? Vers les cieux. Est-ce que cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux? Non. Mais c'est pour dire par là l'élévation. Maintenant, un point. Ma yata'alaku bi al-jiha. Par rapport à la direction. Comme on dit en arabe, al-jiha. Est-ce qu'on attribue à Allah al-jiha amla? Est-ce qu'on inclut Allah, la direction ou pas? À la base, la direction, c'est un mot qui n'est venu ni dans le Coran, ni dans la Sunna, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas tout ce qui n'a pas été stipulé dans un texte religieux, cela inclut son absence. Mais tout comme, on ne peut pas l'affirmer vu qu'on n'a pas de preuve à l'appui. Al-jiha, la direction, peut être comprise de deux façons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, renier d'Allah la direction, tout comme on peut lui affirmer. D'une certaine façon. La jihad dans le sens de la direction, comme sa création, qu'il est à droite, qu'il est à gauche, et ce genre de choses, ça non, c'est du kouf. On ne peut lui attribuer cela. D'accord? On ne peut lui attribuer cela. Maintenant, la direction, elle jihad du fait qu'il est au-dessus, hein, hors de sa création, cela indique une direction. Si on te dit que Allah est au-dessus des cieux, élevé, cela t'appelle à, par exemple, lever la tête. Mathalan. Cela ne veut pas dire qu'il est dans les cieux, dans sa création. Donc cette jihala, on ne peut pas la nier non plus. Al-jihab imana al-ulu, l'élévation. On peut la nier celle-là. Celle-là, les sahabita. Al-ulu, min sifatillah. Que Allah est élevé. Et ce mot-là inclut une direction. Mais ce n'est pas une création. Cela nous fera entrer dans quoi? Dans Aqidat al-Hulul, que Allah est dans sa création. Mais cela est du kufr. Cette Aqidah-là est présente à la base chez les chrétiens. Lorsqu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala est dans, comme ils disent, Dieu est dans Jésus, l'Esprit Saint. Bien qu'à la base de l'Esprit Saint, Ruh al-Qudus c'est Jibril, alayhi salam, en islam en réalité. Mais eux, ils l'ont traduit comme étant l'Esprit du Père, qui est dans le Fils. Cette Aqidah-là, elle n'est pas salafia, elle n'est pas islamia. Et encore moins salafia, bien entendu. Elle est kafira, ça vient des koufars. Malheureusement, des gens de l'islam ont été imprégnés de cette aqidah. Comme cela va venir. Donc là, il faut savoir une chose. Tout simplement, est-ce que ta fitra, elle accepte? Est-ce que les textes ont stipulé que Allah est au-dessus des cieux? Et si quelqu'un l'a dit, et Allah est dans les cieux, juste par habitude ou par tarjama, le fait qu'il traduit du mot à mot, fi, mais que lui, par là, il veut dire par là au-dessus des cieux, et Annie, on ne peut pas te blâmer. Juste on lui demande, tu veux dire quoi par dans? Et là il explique. Je veux dire dans, je veux dire pas au-dessus et ce genre de choses. Maintenant, s'il veut dire dans, à l'intérieur des cieux, dans la création, cela c'est du kouf. Et cela est du kouf. Naam. Donc ensuite, et vous verrez que cette question-là est enseignée aux enfants depuis petits. Dès que tu as un enfant, il est petit, apprends-lui. Et dans Allah, c'est-à-dire qu'au lek, tu lui indiques avec le doigt vers le ciel. Et cela n'est pas du tashbih. En faisant cela, cela n'est pas le fait de faire ressembler à Allah sa création. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Le jour du Hajj, Al-Wada, lorsqu'il a dit, il a parlé aux Sahaba, et à la fin, il a dit quoi ? Afaballat, est-ce que j'ai transmis ? Ils ont dit, ballat. Il a levé les yeux, le doigt vers le ciel, il a dit, Allahumma shahad. C'est-à-dire, Allah témoigne. En indiquant avec son doigt vers le ciel. Donc cela, tout cela, ont des choses à l'appui. Il n'y a rien qui a été inventé. Et que celui qui s'en prend à cela, s'en prend au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et aux compagnons. Et cela l'amène même à mécroire. Comme ce fut le cas par exemple des Jahmiya et des Mu'tazila et autres. Tous leurs enfants aujourd'hui sont les Arbèches en France par exemple et d'autres. Plein ont cette Akhida-là malheureusement. Summa Fayidiqil alek El Allahu ma'ana Fakul Allahu azawajil ma'ana bi'ilmihi wa dalil kullullahi ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. وقوله وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون قال ابن كثير المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سير وجهر dont la traduction serait approximativement et si on te demande est-ce que Allah est avec nous dit Allah est avec nous par sa science et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où il dit et il est avec vous où que vous soyez et sa parole Et il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Et Mukassir dit, cela signifie qu'Allah est celui qui connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre, que cela soit secret ou apparent. Et donc là, cela revient à ce que je voulais aborder auparavant. Satan se base sur ces versets, « Wa ma'akum inama kuntum » pour dire qu'Allah, il est partout. Et cela, il y a « Aqidat al-Hululiyya ». Et cette Aqidat est « Kufriya ». C'est du kouf de penser cela. C'est-à-dire que Allah est avec toi, même quand tu es au hammam. Comme souvent les gens disent. Si quelqu'un te dit Allah est partout, tu dis est-ce qu'Allah est dans le hammam avec toi parce que tu fais tes besoins, il ne pourra pas te dire oui. Donc, où est-ce qu'il est à ce moment-là? Et cela contredit le fait que Allah subhanahu wa ta'ala également soit au-dessus des cieux. Allah ne peut être dans sa création. Sa création ne peut le contenir. Allah ou Al-Akbar. Allah est le plus grand. Sa création ne peut le contenir. Mais dans le sens voulu, également, il y a. Cette aqida, la deuxième, qui est Wahdat al-Wujud, qui est l'unicité dans la présence. Que, en fait, que toute chose, c'est Allah. Certains ont cette croyance-là, que toute chose présente là, tout ça, c'est Allah. D'accord? Que tout cela est Allah. Tout ce qui existe, c'est Allah en lui-même. Et cela, du coup, fait également. Et cela s'oppose totalement au texte. Car Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit que Allah est élevé, instauré au-dessus de son trône, et qui est séparé de sa création. Donc on ne peut être Allah. Ça s'appelle Wahdat al-Wujud, l'unicité dans la présence. Et cela est du kouf également. Donc le verset cité là par le Shir, Hafizallahu Ta'ala, lorsqu'il dit Wa wallahu fi samawati wa fil ard, qu'il est Allah dans les cieux hein, et dans la terre. On peut dire également sur terre et sur les cieux. C'est-à-dire, il est Allah par sa divinité. Et la fin du verset vient pour expliquer justement ce qu'il veut dire par là. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum ya'lamu ma taksibud. Qu'il sait ce que vous cachez et ce que vous laissez apparaître, et il sait ce que vous commettez. Ce verset vient expliquer que c'est par son savoir, par sa science qu'Allah voit tout ça. Également, il y a un hasan rapporté par Malik ibn Anas lorsqu'il dit Allahu fi sama wa ilmuhu fi kulli makan. لا يخرج من علمي مكان إذا ce أثر il est authentique رأوا أبو داود في مسائل الإمام أحمد que Allah est au-dessus des cieux et sa science est en tout lieu et que il n'y a aucun lieu qui ne soit sans que sa science ne s'y trouve qui ne soit dénué de sa science et que Allah est partout par sa science pour appuyer cela قال عبد الله بن مبارك نعرف ربنا فوق السبع سماوات بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ما إنه ها هنا وأشار إلى الأرض. Il dit qu'Abdullah ibn Mubarak, qu'est-ce qu'il a dit? Nous savons que notre Seigneur est au-dessus des sept cieux. séparé de sa création. Hein? Séparé de sa création. Et nous ne disons pas, comme disait Jahmiya, qu'il est ici en indiquant la terre. Et ce Afar également est sahih, authentique. Hein? Rapporté par Abdullah ibn Ahmed dans les Sunnah. Et quant aux autres versets sont venus où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma'akum » ou « La terzen Allahu ma'ana » cela s'appelle « Al-Ma'iyya ». « Al-Ma'iyya » c'est le fait que Allah soit avec toi. Est-ce que cela inclut qu'Allah est présent avec toi ? Al-Ma'iyya la qismain, cette Ma'iyya a deux catégories. Ça aussi on en a parlé dans l'audio sur les Ahwesh. Cette Ma'iyya, ou plutôt dans le Arba'in Nawawi, enfin, dans l'un des hadiths d'Arba'in Nawawi, cette Ma'iyya c'est le fait qu'Allah soit avec toi est de deux catégories. Al-Amma ou Al-Khassa. Al-Ma'iyya Al-Amma, c'est que Allah est avec sa créature qui les voit partout. Et tout particulièrement les croyants. Qu'il est avec eux. Inna Allah ma'a sabirin. Que Allah est avec les patients. Et ainsi de suite. Et Al-Khassa, c'est le Ma'iyya Al-Khassa, c'est que Allah est avec ses awliya, ses alliés, qui les soutient, qui les wafaq, qui leur accorde le succès. Et qui leur accorde le basira. Ça, c'est Al-Ma'iyya, et qui les défend. Lorsque ce fut le cas de Moussa alayhi salam avec Haroun. Hein? Inni ma'akuma asma'u wa ara. Je suis certes avec vous, je vois et j'entends. Faut dire que Allah, il est avec toi. Qu'il te soutient, qu'il te protège. Ça ne veut pas dire qu'il est présent avec toi. Tout comme, par exemple, quelqu'un dit, fais telle chose, je suis avec toi. Sans pourtant qu'il parte. C'est-à-dire, je te soutiens. Tu as mon soutien. Comme le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait que, lorsqu'il partait, il revenait de Tabouk, il dit, certes, des gens derrière vous sont restés le Médina, vous n'avez pas parcouru un parcours ou une vallée sans qu'il ait été avec vous. Ils ont été retenus par la maladie ou l'excuse. Regarde. Pourtant, ils n'étaient pas là. Et le Nabi sallam a dit, ils étaient avec vous. Est-ce qu'ils étaient avec vous? Par leur présence? Non. Par leur soutien. Et par leur intention. Ils voulaient venir, mais ils n'ont pas pu venir. Donc le fait que quelqu'un te dise, je suis avec toi, ne veut pas dire forcément qu'il est présent avec toi. Donc cela amène à dire quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas présent dans sa création. Cela est de la mécréance de penser cela. Ni que tout est Allah, et ni que Allah est dans sa création. Bel, Allah, fuq as-samawati wal-ard, wa ma'ana bi'ilmi. Qu'il est au-dessus des cieux et qu'il est présent avec nous par sa science et qu'il voit tout et qu'il sait tout et que même avant que tu le fasses, il le sait déjà à la base. Quoi que tu fasses, il le sait déjà avant que tu le fasses. Quoi que tu dissimules, il le sait au fond de toi. Que si vous dissimulez, vous divulguez ce que vous avez en vous, Allah le sait. Cela t'amène à quoi? À faire preuve de taqwa, même dans tes sentiments, même dans tes sentiments, dans ce que tu ressens. Et cela t'amène à quoi? Au hadith de Al-Ihsan. Ma wa al-Ihsan, Al-Tabudallah ka'anaka tarahu, fa'inam takun tarahu fa'un yarak. Que tu adores Allah comme si tu le voyais, si jamais tu ne le vois pas, sache que lui il te voit. Cela t'amène à quoi? À la piété. Que tu sais qu'Allah il te voit. Donc dans ce que tu fais attention. Car tu sais que tu es surveillé. Et que tu en rendais compte de ses actes. Et même de certains sentiments que tu entends que tu n'as pas combattu. Par exemple, comme la jalousie. Tu n'es pas à l'abri qu'il te vienne un brin de jalousie. Un brin de jalousie dans ton cœur par rapport à une personne. Cependant, toi, tu dois le combattre et ne pas te laisser aller. Tu dois le combattre. Et même en le combattant, tu es ma'jour, tu es récompensé. Tu auras fait ce qu'on appelle jihad nefs. Tu auras combattu ton nefs. Une fois de l'Illah. Amen. Donc, les trois questions d'aujourd'hui, c'était quoi? Qu'est-ce qu'est l'ibada, l'adoration? Et Allah, où est Allah? Et hel Allahu ma'ana, est-ce que Allah est avec nous? Fa'adi Hashem muhimmatun jiddan. Très important, ces points-là, car ces fausses croyances sont répandues chez beaucoup de musulmans en notre époque. Et comme on dit, cela est de la mécréance. On ne dit pas que celui qui dit cela, automatiquement, on dit que c'est un kafir. Non. D'abord, il faut le nasiha ou combattre le hujja sur lui. Parce qu'il ne sait pas. Il a pris le texte en apparent, on lui a expliqué, il a compris cela. Il faut lui expliquer. Et cela revient à qui? Aux gens de science, par la suite. Le jugement à établir sur ces personnes-là. Mais c'est sûr que si demain, tu entends quelqu'un qui dit Allah fi kulli mekan, les savants disent, tu ne fais pas salade derrière lui. Tu ne manges pas ce qu'il est égorgé comme viande. Et ainsi de suite. Tu te retiens, tu restes en arrière. Sans pour autant mettre un jugement, mais tu te retiens. Délaisse ce qui te rend perplexe pour selon quoi tu es sûr. Tayyib. Famin huna intay darsuna wa naqul subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. مع تحيه دمام افاق.com